Tas d'arabes, que vous faut-il ? Oh, j'ai une idée. Je vais revenir tout à l'heure. Il s'en va. Messieurs, nous allons goûter du veau. Il est très bon, j'ai fini. Au croupion, maintenant. Exquis, exquis, vive la mère Ubu ! Vive la mère Ubu ! Et vous allez bientôt crier « Vive le père Ubu !» Il tient un balai innommable à la main et le lance sur le festin. Misérable, que fais-tu ? Goûtez un peu. Plusieurs gouttes et tombent empoisonnées. Mère Ubu, passe-moi les côtelettes de rastron que je serve. Les voici. À la porte, tout le monde. Capitaine Bordure, j'ai à vous parler. Hé, hey, nous n'avons pas dîné ? Comment vous n'avez pas dîné ? Hein ? À la porte, tout le monde ! Restez, Bordure. Personne ne bouge. Vous n'êtes pas parti ? Mais de par ma chandelle verte, je vais vous assommer de côtes de rastron ! Il commence à en jeter. Hé ! Hey, au secours ! Défendons-nous ! Malheur ! Je suis mort ! Merde, merde, merde, merde, merde ! À la porte ! Je fais mon effet ! Sauf qui peut ! Misérable Père Ubu ! Misérable Père Ubu ! Traître égueux ! Voyou ! Ah, les voilà partis. Je respire, mais j'ai fort mal dîné. Venez, Bordure. Ils sortent avec la mère Ubu.